Tu vas te faire cher. C'était bon, non? Ich lieb Deutsch, du liebst Französisch. Ich lieb Deutsch, du liebst Französisch. Ich lieb Sonne. So musst du durch deinen Mund singen und riechen. Das lässt kaum mehr Platz für deine Lieder, denkst du, ich nicht. Wenn man Franzose ist, braucht man seine Nase nicht. Alles stinkt hier außerhalb der Sonne. Schrallen. Der Himmel ist blau, aber deine Hose ist nie so. J'aime l'allemand, toi t'aimes le français. J'aime l'allemand, toi t'aimes le français. J'aime le soleil. Elle aime l'allemand et vous pigez rien. Est-ce qu'elle vous aime vraiment? Est-ce qu'elle vous... Est-ce que c'est un martien? J'aimerais vous faire le souci, mais rien à faire, c'est pire qu'une vite. À tous les coups, elle se fout noir. Et aussi de vous, alors. Qu'elle vous aime. Elle a manqué la voix d'Anne Sarkozy. Elle a manqué la voix d'Anne Sarkozy. Ich bin Deutsch, du liebst Französisch. J'aime l'allemand, toi t'es français. J'aime l'allemand, toi t'es français. J'aime l'allemand, toi t'aimes le français. Pauline et Pierre. Merci à Hugo et Pauline d'accueillir la soirée. Happy Pop. Happy Pop. C'est quoi la soirée? Et autre. C'est là. C'est vrai. Je vais me rappeler. Everybody gets married. Everybody gets pregnant. And I still feel like a teenager. I still feel like a teenager. I'm getting drunk. Ça m'emballe, je commence la guitare. T'as de skate et de jeune garçon. Émerger à nouveau des boutons. Tout le monde se marie, tout le monde est enceinte. Et moi je me sens ad, et moi je me sens adolescente. Je me sens adolescente, me bourre la gueule. En Pologne j'ai des cours de maths. Je peux pas y aller, je vais y aller. Je vais plutôt dans les cafés pour apprendre cazzo a nare. Everybody gets married. Everybody gets married. I still feel like a teenager. I still feel like a teenager. I'm getting drunk. Avec un fil. Pour ta prochaine chanson, tu dois mettre le mot filtre. Ça c'est bien. Elle est pas facile celle-là. On va manger des hamburgers avec des oignons. Ce sera super bon. Avec aussi un steak caché. Wir werden Hamburger essen mit Zwiebeln. Das wird lecker sein mit einem Steak. On va manger des hamburgers avec des amis. Il y aurait même le seul végétarien entre la salade et le pain. Wir werden Hamburger essen mit Freunden, sogar mit dem scheiß Fleischfresser. Sur le bout de plastique orange supérieur. Wir werden Hamburger essen zu Hause gemacht mit authentischen Sesamkernen auf dem besten orangenen Plastik. Chut.

Les racines des arbres font des croche-pattes et tombent des branches. Les nuages cachent le soleil se couche. La lune n'éclaire pas du tout, l'enfer ne marche plus. Le vent éteint le feu, heureusement que vous êtes là. Je suis vraiment content d'être avec vous, les amis. C'est vraiment très très intéressant d'être ici avec vous ce soir. De rien, mon gars. Mais c'est pas fini, alors continue d'écouter. Écoutez par exemple, pour une femme, déjà. Comment qu'elle a sors avec moi. C'est une chanson. Une chanson écrite par Pierre. Non, mais. Je ne veux pas pour qu'il le dise. Ah, ça va, ouais. Stopped around and throwing socks like all eyes. enough to see me get down to the ground. He hasn't time just to be with me. A face between or she missed to be. To be extreme, just to be extreme. A broken pier on the wavy sea. She wonders why, for she wants to be. But I got up and I start to run and hate that bitch that used to treat me fun. It took a long, long look at me and smiled and gazed all over my head. Enough to see me get down to the ground. And I'm sorry just to be with me. A space between all it seems to be. To be a prince, just to be a prince. Our broken fear and the way we sing. You sing in ours and you try to see it to be. But I go down and I stepped around and saw it starts like that light on the ground. Happy Ah non. Si, quoi. Tu n'as pas le nom, quoi.